Torquemada, de Victor Hugo. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Marc-Henri Boisse, Bertrand Suarez-Pazos, Charles Gonzalez, Jean-Luc de Baptiste, Clara Noël, Louis Berthélémy, Martin Amic, Pascal Bécard, Delphine Equet, Olivier Peigné, Roland Timsit, Christophe Galland. Musique originale, Caroline Marceau. Couvent mal gardé, ronces et broussailles, dégâts, que fait dans les lieux saints le temps, vieux renégat. Brèche par où pourrait s'échapper un novice. On dirait que ce mur refuse le service et que d'être debout plus longtemps, il est là. Il ressemble à nos droits qui s'écroulent, hélas. Ils ont aussi leur rouille, ils ont aussi leur brèche. Le ver rameau divin dans nos mains se dessèche. Les papes alutés deviennent paresseux. Ah, chez nous aujourd'hui, les princes sont chez eux. Noirs, ils passent sur nous comme l'ombre des aigles. Plus d'observance, plus de chartes, plus de règles. Nous nous courbons toujours plus bas de peur des coups. Nous ne sommes pas sûrs de n'avoir pas chez nous des intrigues de cour et des scélératesses. Ils nous font élever de petites altesses, obscures, pêle-mêle et filles et garçons. Qui sait, bâtards peut-être et nous obéissons. S'il s'accomplit chez nous quelque acte de justice, c'est contre l'un de nous. Notre vieille bâtisse, comme nous penche et Christ saigne, et nous nous sentons de plus en plus dans l'ombre et la honte à tâtons. Homme, va-t'en de là. Non. Va-t'en, sache rustre, que c'est un cimetière. Eh bien. Un cloître illustre. Bah. Nul n'y vient, hormis le jour les moines seuls. Et les ombres des morts la nuit dans leur linceul. Pour quiconque entre ici, pas de miséricorde. La hache s'il éduque, s'il est manant, la corde. Ceux qui sont du couvent entrent seuls. Gare à toi. Déguerpis, drôle. À moins que tu ne sois le roi. Je le suis. Vous, le roi? C'est ainsi qu'on me nomme. Qui me le prouve à moi? Ceci. Pendez cet homme. Goutian. Grâce, monseigneur. Soit. À la condition... Qu'es-tu dans ce couvent? Prieur. Attention, tu vas me renseigner sur tout ce qui s'y passe. Le gibet, si tu mens, si tu dis vrai, ta grâce. Pour commencer, faisons nos prières, marquis. Amen, fratres, per victuem sancti cruci et per intercedem beati. Maria, per merita, divinum sanctorum et sancti lantau Dei. La reine est loin, j'existe. Être seul, c'est exquis. Être veuf serait mieux. Je ris. L'univers pleure. J'ai mes raisons, tu vas les savoir tout à l'heure pour venir regarder de très près ce couvent. Viens. J'écoute le roi. Moi, j'écoute le vent qui murmure au-dessus des choses que vous faites. Je veux te consulter pour affaires secrètes. Bah, pourvu que je mange et dorme, tout est bien. Faut-il chasser Guccio? Non, il ne comprend rien. Couchez-la. Marquis, J'aime affreusement les femmes. Ceci me plaît de toi, que tes mœurs sont infâmes, ou le furent. Plus tard, vieux, tu t'es fait dévot, c'est bien. Ceci me plaît encore. L'homme ne vaut que par la foi qui seule efface nos souillures. Ce couvent dont le roi vient scruter les allures dépend de deux chefs, l'un à Cahors, l'autre à Gand. Tu passes pour avoir été fort intrigant. Tu l'es toujours. On dit que des femmes jolies ont fait jadis pour toi, bonhomme, des folies. Que tu puisses avoir été page et charmant, cela semble impossible. Et pourquoi pas, vraiment? Le matin est riant, puis la journée est noire. Cela se voit. Sais-tu qu'on raconte une histoire sur un petit valet de cour qui serait toi? T'es-tu jamais nommé Gorvona? Non. Pourquoi? Pour te cacher, dit-on, par ruse et par bassesse, et pour une amourette avec une princesse. Moi, jamais. On m'a fait le récit tout entier d'un roi stupide auquel tu fis un héritier, mais on n'est pas d'accord sur le pays. Pur comte, probablement. Voilà, vous m'avez créé comte, on tâche de me nuire. On a raison. Mais moi, que ce qu'on dit soit faux ou soit vrai, j'ai pour loi d'être au-dessus de tout ce que l'homme imagine. Rien ne m'atteint, je suis le roi. Ton origine, mêlée à des laquais et même à des bouffons, tes commencements bas, tortueux et profonds, me conviennent. Personne au juste ne peut dire, pas même toi, quel fut ton père. Je t'admire d'être si bien caché tout en étant public. Le nid du cormoran, le trou du basilic sont les points de départ possibles d'une vie comme la tienne, errante, envolée, asservie. Je t'ai fait comte, grande Castille et marquis, vil tas de dignité bien gagné, mal acquis. Causons à présent. Mais être roi, quelle chaîne! Être un jeune homme plein d'explosions, de haine, de tumultes, vivant, bouillant, ardent, moqueur, avec un tourbillon de passions au cœur. Être un mélange obscur de sang, de feu, de poudre, de caprices pareils au faisceau de la foudre. Vouloir tout essayer, tout souiller, tout saisir. Avoir soif d'une femme, avoir faim d'un plaisir. Ne pas voir une vierge, une proie, un désordre, un cœur sans tressaillir du noir besoin de mordre. Se sentir de la tête aux pieds, l'homme de chair, et sans cesse en la nuit d'un magnifique enfer. Pâle, entendre une voix qui dit « Sois un fantôme !» N'être pas même un roi, misère, être un royaume. Sentir couler sur soi des fleuves, voir des mers vous isoler dans l'ombre avec leurs plis amers. Subir l'étouffement qu'a sous l'onde une flamme et morne avoir le monde infiltré dans son âme. Et ma femme, ce monstre immobile, je suis l'esclave de ses jours, le forçat de ses nuits. Seul dans une lueur, sombre tant elle est haute, nous sommes tout puissants et tristes côte à côte. Les peuples prosternés nous adorent, tandis qu'on nous bénit en bas, nous nous sentons maudits. L'encens monte en tremblant vers nous, et l'ombre mêle l'idole Ferdinand à l'idole Isabelle. Nos deux trônes jumeaux confondent leur clarté. Nous nous apercevons vaguement de côté, et quand nous nous parlons, la tombe ouvre sa porte. Je ne suis pas bien sûr qu'elle ne soit pas morte. Elle est cadavre autant que despote, et je dois la glacer quand le sceptre entrecroise nos doigts, comme si Dieu liait par une bandelette à sa main de momie une main de squelette. Je suis vivant pourtant. Ce fantôme pompeux, non, ce n'est pas moi, non, non. Aussi, quand je peux, de toutes ces grandeurs sur nous appesanties, je m'échappe et je fais hors du roi des sorties. Et j'ai, comme un dragon qui se dresse au soleil, l'épanouissement monstrueux du réveil. Fou comme la tempête et comme le cyclone, je m'évade éperdu, noir prisonnier du trône, plus de joues, je me rue ivre à travers le mal et le bonheur ayant pour but d'être animal, piétinant mon manteau royal, l'âme élargie jusqu'au vice, jusqu'aux chansons, jusqu'à l'orgie. regardant, moi, le roi, le captif, le martyr, mes convoitises croître et mes ongles sortir. La femme et sa pudeur, l'évêque avec sa crosse m'exaspèrent. Je suis furieux, gai, féroce, et l'homme qui bouillonne en moi, flamme et limon, se venge d'être spectre en devenant démon. Maintenant, finissons nos prières. Bon, prie. Puis j'interrogerai ce moine. Misericordia misericors minus longinus et multo misericors et non amen. Momerie, c'est par là que ce roi finira, fourbe et dur. Il ne croit à rien, mais quel chaos d'âme obscure. Quand il dit un pater, il devient imbécile. Alors il cède au pape, il vénère un concile. Tout en heurtant le prêtre, il le craint. Il se sent poussière sous les pieds de ce hautain passant. Ainsi soit-il. Il est libertin, fourbe, oblique, menteur, cruel, obscène, athée et catholique. Et tant pis, il aura plus tard ce sobriquet. Domine clara mia te et sanatis te me. Amen. Ici. Si par malheur la franchise manquait à tes réponses, gare à toi. Dis vrai, prends garde. D'abord, quel est ce moine à figure hagarde, pas vêtu comme toi qui fléchis le genou chaque fois qu'il rencontre une croix? C'est un fou. Comme il est pâle. Il veille et jeûne, il s'exténue, il parle haut, il marche au soleil tête nue, il divague, il délire, il rêve d'aller voir les papes pour leur dire à genoux leur devoir. Nous devons, quand il passe, observer le silence. Il n'est point de notre ordre, il est en surveillance, dans ce cloître. On enferme ainsi dans nos couvents tous les prêtres qui sont inquiets, les savants, les songeurs qui pourraient prêcher dans la campagne, autrement que ne veut notre Église d'Espagne. Quelle folie a-t-il ? Des visions de feu, l'enfer, Satan. Il n'est ici que depuis peu. Il est vieux. Il n'a pas, je crois, longtemps à vivre. J'ai deux marottes. L'une est en or, l'autre en cuivre. L'une s'appelle mal, l'autre s'appelle bien. Et je les aime autant l'une que l'autre. Rien est mon but. Là des fleurs, là des feuilles séchées. Les mœurs dans vos couvents se sont fort relâchées, moine. Seigneur. On voit des femmes très souvent dans ce cloître. Ce cloître est voisin d'un couvent d'Ursulines qui sont nos ouailles, nous sommes. Bouc gardant des brebis. Seigneur. Tout couvent d'hommes confesse le couvent de femmes d'à côté. Fais la faute et l'absoute avec paternité, et régnant sur ses cœurs dans sa toute puissance, leur ôte la vertu, puis leur rend l'innocence. Doux miracle, secret de la confession. Roi, les fils de Lévi, les filles de Sion... font bon ménage, mais je sévirai, de sorte que Rome le saura. Seigneur. Lorsqu'à la porte de leur cloître où Jésus a cessé de régner, le petit dieu païen Cupidon vient cogner. Le pape Sixte ayant deux enfants d'une fille ne peut pas trop gronder s'ils entr'ouvrent leur grille. Rome est prête à punir et les temps semblent mûrs. L'évêque de la Sedurgelle est dans vos murs, j'en ai reçu l'avis, avec puissance entière de châtier. Seigneur, seulement en matière de dogme et pour détruire ou vaincre les erreurs, rien au-delà. Vos yeux sont de bons éclaireurs. Voir me plaît. Qu'est-ce ceci, moine ? C'est une tombe ouverte. Ouverte ? Oui, roi. Pour qui ? Quand l'homme tombe, Dieu seul le sait. Pour qui cette tombe ? À l'instant, dis-le, parle, réponds. Je l'ignore et l'attends. Pour moi, peut-être, ou bien pour vous. quand dans un cloître, on sent hors du niveau de l'ordre un moine croître, soit du côté du mal, soit du côté du bien, on le supprime. Au fait, le tuer, bon moyen ? Point ! L'église a l'horreur du sang, sire, on l'enterre. Simplement, je comprends. L'endroit est solitaire, crier nul n'entendra, résister nul passant. On pousse l'homme ici, marche à marche, il descend, et quand il est au fond, on lui met cette pierre sur la tête. Et la nuit lui remplit la paupière, à jamais, et les bois, les hommes, l'eau, le vent, le ciel sont au-dessus de cette ombre, et vivant, il est mort. Oui, c'est simple. Il meurt s'il veut, l'église n'a pas versé le sang. Quoi que ce moine en dise, les femmes... n'entrent pas dans nos murs. Comme il ment, j'en vois une. Et près d'elle, un jeune homme charmant, sans barbe encore, enfant presque, œil vif, taille mince. Roi, c'est une princesse. Et lui ? Roi, c'est un prince. Ils ont grandi tous deux dans ce cloître étouffant. Leur nom ? Rosa d'Orthez et l'infante. Et l'infant ? Sanche de Salinas. Ils ont par héritage, elle Orthez, lui Burgos. Ses droits vont jusqu'au Tage. Sanche de Salinas, Burgos, il se pourrait. Poursuis. Oui, tout cela se construit en secret. Ce Sanche est mon cousin, mais je croyais la branche éteinte. On garde ici secrètement Don Sanche. On l'a fait élever dans ce cloître en mettant la nièce du vicomte auprès de lui. Pourtant, je les croyais tous morts. Oh, quelle découverte! Qu'est-ce que j'entrevois? Cet enfant caché, certes, c'est lui. Je me sens pris aux entrailles. Voici du nouveau. Ce couvent désert est bien choisi. L'infante et l'infant sont fiancés et vont être époux bientôt. Ils ont tous deux... le même ancêtre. Cet ancêtre est un saint qu'ici nous invoquons, dont le fils, Louis Centule, était duc des Gascons. Puis Luc, roi de Bigorre, et Jean, roi de Barège, puis le vicomte Pierre et Gaston Saint. À Brège. Le cardinal vicomte, aujourd'hui régnant, veut que dans ce coin secret du cloître, autant qu'on peut, on les tienne cachés. Songe. Il est beau. Regarde. Personne, excepté moi, prieur de ce moutier, ne sait qu'il est infant et qu'il est héritier. Il l'ignore lui-même, et pour la même cause, elle non plus, la nièce infante Doña Rose, ne se sait pas princesse, on craint quelqu'un. Pardieu, moi, le roi, je pourrais me fâcher de ce jeu. Il porte, comme vous, une robe de serge. On les a consacrés tous les deux à la Vierge, sans quoi nous ne pourrions les garder au couvent. Même ils ont fait leur vœu de novice devant le chapitre. Il est moine à peu près, elle est nonne presque. Oui, mais ils auront les dispenses qu'on donne aux princes et pourront s'épouser. Moi, le loup, j'entre en la bergerie et je puis briser tout. Eh bien non, cardinal d'Orthez, va, tu m'arranges. Vieux démon qui fait croître ensemble ces deux anges, enfants... adorez-vous avec un tendre émoi. Ce complot contre moi, je le tourne pour moi. Que Rose épouse Sanche, oui, cela fait mon compte. En mariant ta nièce à mon cousin, vicomte, tu veux par Salinas me dérober Burgos? C'est bon, je laisse faire. Et nos droits sont égaux. Et moi, qui comme toi de mon bien suis avare, je compte par Orthez te prendre la Navarre. Moi, je te tiens par elle et tu me tiens par lui. Donc, que ce mariage ait lieu. Soit. Aujourd'hui, on s'épouse, demain, on s'attaque. L'infante est belle. La façon de régner triomphante, c'est d'employer pour soi, d'un air presque endormi, le mécanisme obscur qu'a fait votre ennemi. L'intrigue retournée entre à votre service. Il voulait vous tuer ? Son bras dévie et glisse, le coup de poignard bête à l'endroit qui vous plaît frappe, et votre assassin devient votre valet. Que disent-ils ? Tâchons d'entendre. Espion. Prêtre. Humblement. Tu n'as pas tout dit au roi. Le maître, c'est Dieu. Ce qu'il apprend par la confession, le prêtre ne doit pas le dire. Fiction. Paul II a déclaré qu'on peut, dans les cas graves, tout révéler. Malheur à toi si tu me braves. Le roi n'est que mon bras, dis-moi tout à moi. Mais jurez-moi le secret, vous, si je me soumets. Je le jure, mais tiens, je fais mieux. Je te donne un chapeau d'or valant 100 marks pour ta madone. Et 6 grands chandeliers d'argent d'un prix égal. Vous saurez tout. Doña Sancha de Portugal, au temps où vous et moi, monseigneur, étions jeunes, Doña Sancha, pour qui nous prions dans nos jeûnes, étant femme du roi de Burgos, lui donna un fils qu'elle eut d'un page appelé Gorvona. Le roi se crut le père, ayant en grande estime sa femme, et ce bâtard fut de droit légitime. Il hérita du trône, en eut tous les profits, puis se maria, puis mourut, laissant un fils, qui tout enfant passa pour mort d'une mort prompte. Cette mort fut un rapt du cardinal vicomte qui fit prendre et cacher dans ce fief béarnais le petit roi Don Sanche. Oui, je le devinais. C'est mon enfant, le fils de mon fils. Oh, je n'ose y croire encore. Je sens s'éveiller quelque chose que je ne savais pas avoir en moi, le cœur. Coup de foudre béni, choc subit et vainqueur. Moi qui haïssais, j'aime, ô mon fils. Je m'enivre d'être père. À présent, c'est la peine de vivre. Ô délivrance. J'ai rompu mon dur lien. Je vivais pour le mal. Je vivrai pour le bien. Moi, guide de ce roi marchant sur des victimes, clarté de sa noirceur, courtisan de ses crimes, je sens une main douce alléger mes forfaits. Oh, je respire enfin, moi, l'affreux portefaix. Ma tête se relève, hélas, de remords pleines. Et du côté du ciel, je puis reprendre haleine. Oh, je ne suis plus seul, je vis, j'aime, ébloui. Hélas, il n'a que moi comme je n'ai que lui. Que de gouffres autour de lui, pièges sans nombre. Oui, mais je veille. À lui la lumière, à moi l'ombre. Restons sous ce manteau, sur ma tête étendue. Le père deviné, l'enfant serait perdu. Monseigneur m'a promis le secret. Sois tranquille. Quand Don Sanche doit-il sortir de cet asile? L'enfant qu'on a cru mort est un homme aujourd'hui. Monseigneur le vicomte abbé se sert de lui et le déclarera comte et roi, prince, altesse, lorsqu'il en aura fait le mari de sa nièce. Le roi. Le roi. Vieillard, cache bien à ce roi le cœur inattendu qui vient d'éclore en toi. Protégez-nous, pourvu qu'ici rien ne le fâche. Allons, comédien, reprends ton masque lâche. Insensible à l'insulte, à la haine, à l'affront. Et remets-toi ton vil sourire sur le front. Vous, le roi, qu'avez-vous décidé? Leur bonheur. Je veux les marier. Politique profonde. L'Espagne, pierre à pierre et pas à pas, se fonde. Ce mariage fait mes affaires. Je veux aider le cardinal d'Orthez, combler ses vœux. Et, marquis, avant peu, j'aurai Dax et Bayonne. Allons. Oh, mon vieux cœur farouche et ténébreux, rayonne. Moi, j'aime autant les roses. Oh, je suis enivrée par tant de douces choses. Vois, celui-ci qui vole à la pointe des joncs. Tout est vie et parfum. Écoute, partageons. À toi les fleurs, à moi les papillons. Il passe. On ne sait quoi de tendre et de bon dans l'espace. Rose. À qui ce bouquet, monsieur? Devine. À moi. Je vous trouve jolie et vous fuyez. Pourquoi? Ils perdront leur couleur, Rosa, si tu les touches. On croit voir des baisers errés cherchant des bouches. Ils en trouvent. Ce sont les fleurs. Alors, Rosa, puisque vous êtes fleur... Monsieur, c'est très mal, ça. Mais puisque nous serons mariés... Il s'arrête. Attrapons-le. Viens. Chut. Ah, tu n'as pas su, bête, prendre le papillon. Mais j'ai pris le baiser. Comme au pied de leur dame, il vient de se poser. Bon, les voilà partis, les petits infidèles. Pourquoi donc s'en vont-ils si loin, si haut? Que d'elle. Il s'en va. Dans les lys. Bon, dans les clématites. Nos âmes ont toujours vécu toutes petites, l'une à côté de l'autre, oh ma femme. Il me voit. Oh, oh. Le méchant rosier qui m'a piqué le doigt. Ces roses se lavent boire du sang des anges. Ah, voilà ce vieux moine aux allures étranges. Cet homme me fait peur. Viens-nous-en. La terre avec la faute, avec l'humanité. Les princes tout couverts de crimes misérables. Les savants ignorants, les sages incurables. La luxure, l'orgueil, le blasphème écumant. Sennachérib qui tue et Dalila qui ment. Hérétiques, vaudois, juifs, mozarabes, guèbres. Les pâles curieux de chiffres et d'algèbre, 12 grands petits souillant le signe baptismal, à tâtons reniant Jésus, faisant le mal, tous, le pape, le roi, l'évêque, le ministre. Et de l'autre côté, l'immense feu sinistre. Ici, l'homme, oubliant, vivant, mangeant, dormant, et là, les profondeurs sombres du flamboiement. L'enfer, ô créature humaine abandonnée. Ô double plateau noir de notre destinée. Vie et mort, rire une heure et pleurer à jamais. L'enfer, ô vision, des caves, des sommets. La braise dans les puits, sur les cimes le soufre. Cratère aux mille dents, bouche ouverte du gouffre. Sous l'infini vengeur, l'infini châtié, joie est une moitié, deuil est l'autre moitié. Cela brûle, on entend des cris, mon fils, ma mère, grâce et l'on voit tomber en cendres une chimère. L'espérance, des yeux, des visages s'en vont, puis reviennent hagards dans le brasier profond. Sur les crânes vivants, le plomb fondu s'égoutte. Monde spectre, il torture et souffre, il a pour voûte le dessous monstrueux des cimetières noirs, piqués de points de feu comme le ciel des soirs, plafond hideux percé de fausses pêle-mêles, d'où tombe dans l'abîme une pluie éternelle d'âmes roulant au fond des braises au milieu du supplice, plus loin que le pardon de Dieu. Dans l'immobilité morne des étendues, tous les serpents du feu lèchent leurs mains tordues. L'huile les mord, le plomb les broie, la poix les fond. Ils ont sur eux l'énorme aveuglement sans fond. Et l'infini farouche à travers tous ces cribles ne laisse rien passer que ces deux mots terribles. Jamais, toujours, mon Dieu, qui donc aura pitié? Moi. Je viens sauver l'homme. Oui, l'homme amnistié. J'ai cette obsession. En moi, l'amour sublime crie et je combattrai l'abîme par l'abîme. Dominique et Beauchat, j'achèverai l'enfer. Comment faire tomber le couvercle de fer? Comment, sur cette pente épouvantable, ô Rome, ô Jésus, arrêtez l'écroulement de l'homme. J'ai trouvé. C'est d'ailleurs indiqué par saint Paul, car l'aigle, c'est la joie altière de son vol, voit tout et s'éblouit de tout ce qu'il découvre. Pour que l'enfer se ferme et que le ciel se rouvre, que faut-il? Le bûcher, cautériser l'enfer. Vaincre l'éternité par l'instant, un éclair de souffrance abolit les tortures sans nombre. La terre incendiée éteindra l'enfer sombre. Me voici, je ramène avec moi des ferveurs. Pensif, je viens souffler sur les bûchers sauveurs. Terre, au prix de la chair, je viens racheter l'âme. J'apporte le salut, j'apporte le dictame. Gloire à Dieu, joie à tous. Les cœurs, ces durs rochers, fondront. Je couvrirai l'univers du bûcher. Je jetterai le cri profond de la Genèse. Lumière, et l'on verra resplendir la fournaise. Je sèmerai les feux, les brandons, les clartés, les braises et partout au-dessus des cités. Je ferai flamboyer l'autodafé suprême. Joyeux, vivant, céleste, ô genre humain, je t'aime. Soyez témoin que moi, Jean, évêque, je vais juger cet homme ici présent, bon ou mauvais, et le questionner d'abord, car la justice permet de châtier mes vœux qu'on avertisse. Qu'es-tu ? Frère prêcheur. Ton nom ? Torquemada. On dit que tout enfant le démon t'obséda. Et que des visions funèbres te poursuivent. Est-ce vrai? Devant moi, les réalités vivent. Fiction. Bornez-vous à dire vision? Je vois Dieu. Que veux-tu, Seigneur, que nous fassions, nous, tes prêtres, devant ta lueur éternelle? Voir la loi formidable et simple, et ne voir qu'elle, c'est terrible, mais moi qui puis-je? On dit, réponds, que selon toi, nous tous, docteurs, nous nous trompons, en détestant l'impie ainsi que la panthère. Vous vous trompez, seigneurs évêques. Ver de terre. Il faut aimer l'impie et le sauver. On dit qu'un faux dogme où Didier le Lombard se perdit te tente et que d'après ton rêve ou ton principe, l'enfer dans le bûcher s'éteint et se dissipe, de sorte que la flamme envoie au ciel les morts et que pour sauver l'âme, il faut brûler le corps. C'est la vérité. Moine, une erreur te fascine. Le mal, cet arbre triste, a l'erreur pour racine. L'âme est le contact du corps, vil compagnon. Brûler, c'est épurer. Doctrine affreuse. Non. Fausse. Vrai. Et j'entends y conformer mes actes. Vipère. J'y crois, oui. Si tu ne te rétractes, prends garde, je t'enjoins, moi, de t'en repentir et de n'y plus croire. Humble et ne pouvant mentir, je persiste. Obstiné. J'ai pour moi le concile de Latran et le pape Innocent III. Docile, tu peux prétendre à tout, rebelle à rien. Voyons, ton erreur peut jeter fils de mauvais rayon. Un schisme en peut sortir, frappe-toi la poitrine. Dis, j'ai tort. J'ai raison. Renonce à ta doctrine. Bruno d'Angers, voulant grandir, se repentit. Je ne veux pas grandir, je veux rester petit. Orgueilleux. Non, croyant. Mais que prétends-tu faire? J'irai pieds nus à Rome avertir le Saint-Père. C'est lui qui m'a donné l'ordre de te juger. Chien! L'aboiement du chien réveille le berger. Moi, je réveillerai le pape. Il doit m'entendre. Fils, cet homme est féroce. Oui, parce qu'il est tendre. Saint Paul a dit « La foi brûle par charité ». L'Inquisition tend à s'adoucir. Le pape, quand il lève la main bénie, plus qu'il ne frappe. À peine on voit encore quelques bûchers fumants. Je suis épouvanté de ces relâchements. La flamme de l'enfer enfle et monte à mesure que celle des bûchers décroît. Pauvre âme obscure, que veux-tu donc ? Sauver le monde, simplement. Comment ? Par le feu. Crains ce remède inclément. Le médecin n'est pas le maître du remède. Mais dis, qu'espères-tu ? Triompher, si Dieu m'aide. Nous verrons. Entre là. Qu'est-ceci ? Le tombeau. Bien. Recule, il est temps encore. Introibo. Réfléchis. Frappe, ô Dieu, ton prêtre et ton prophète, et que ta volonté redoutable soit faite. Tu dois obéissance à ton évêque. Un front qui se dresse au milieu du cloître est un affront. L'Église a le devoir de rendre à la nuit l'homme qui la trouble. Amen. Moine, obéis, je te somme d'obéir. Non. Descends un degré. Par le nom du Christ, délie-toi. Non. Descends. Abjure. Non. Descends. Je suis l'évêque et le juge. Rétracte ta doctrine barbare et fausse. Elle est exacte. Cède-moi. Non. Descends. Vois cette cruche d'eau, ce pain d'orge. On va clore à jamais le rideau entre le jour et toi, les étoiles, l'aurore. Tout va s'évanouir. Soit. Descends. Songe encore. Tu vas t'éteindre ici sans air comme un flambeau. La faim, la soif, mourir, c'est horrible. C'est beau. Descends. Je suis au fond. Mettez sur lui la pierre. Fait. Par Jésus-Christ, par l'anneau de Saint-Pierre. Tout à l'heure, il sera trop tard, la nuit t'attend. Te rétractes-tu ? Non. Tu n'as plus qu'un instant. Renonce à tes erreurs folles et téméraires. Dédie-toi. Non. Va donc en paix. Prions, mes frères. De profundis ad declamavi, Domine. De profundis ad declamavi, Domine. Ayez pitié, Seigneur, du monde infortuné. Libéranos. Mon Dieu, délivrez-moi. Nos âmes, parce que tout enfant, vois-tu, nous nous aimâmes, se mêlent, et ma main te cherche, et je ne puis dire si je t'entraîne ou bien si je te suis. Un mystère est sur nous, rose, parfois j'y rêve. Ici, dans ce couvent, ensemble on nous élève. Qui sommes-nous, sais-tu ? Pourquoi nous enfermer ? Mais cela m'est égal, on me laisse t'aimer. Je suis le chevalier et vous êtes la dame. Je ne sais pas pourquoi je parle de mon âme. Mon âme, c'est ton souffle, haleine et feu des cieux. Elle sort de ta bouche et brille dans tes yeux. Je n'ai plus d'âme quand tu n'es plus là. Ton voile me gêne. Un baiser. Non. Vois là-bas cette étoile. Dieu grâce pour la terre. Grâce. Entends-tu des chants ? Non, mais j'entends des cris. Tu vois qu'on chante. La nuit, avec des chants dans l'ombre, est plus touchante. Un chant, c'est de la joie offerte au ciel sacré. Tout aime sur la terre, aimons. Misérere. Misérere. Mais non, c'est un cri, l'on appelle. J'avais raison. D'où vient ce cri? De la chapelle, c'est l'hymne du soir. Non. La nuit dans la vapeur, tout fait illusion. Jésus. C'est là. J'ai peur. Quelqu'un est là-dessous. Un mort parle. Ô Dieu, Père. Un homme est enterré vivant sous cette pierre. N'approche pas. Un spectre, un visage d'effroi. Un mort te dit, je vais se lever. Aide-moi. Si c'est un condamné, qu'il ait par toi sa grâce. Est-ce ici qu'on se plaint? Est-ce quelqu'un qui passe? Au secours! Attendez! Ah, rien ne fait dévier ni bouger cette dalle. Où trouver un levier? Ah, cette croix! Prends garde! Oh, pauvre homme! Ma crainte, c'est de devoir toucher cette croix, chose sainte. Elle sera plus sainte après l'avoir sauvée. Je l'arrache! Et Jésus m'approuve! Oh, gros, vous savez. Bonne barre de fer. Maintenant, une pierre. Ah! La mort n'aime pas qu'on rouvre sa paupière. Ah, c'est difficile. Un cloître est un étrange lieu. Il s'y passe parfois des choses sombres. Dieu, je tremble. Oh, cette dalle est bien lourde. Elle cède. Le bloc s'écarte. Encore un effort. Un peu d'aide. Oh, bien. Ah, l'affreux caveau, plein d'un hideux brouillard. Un homme vivant. Oui, ce moine, ce vieillard. Ah, quel bonheur d'avoir été là pour l'entendre. Vous me sauvez? Je jure, enfant, de vous le rendre. Je dois me tromper. C'est la cloche. Non, c'est le corps. Le corps sonnant de roche en roche. Parfois, le torrent semble une foule de voix que le vent entrecoupe et mêle au bruit des bois. Non, on chasse. Devant la meute, la fanfare, le halali, le bois mystérieux s'effare. Personne, prince ou roi, la tiare romaine ayant cette montagne auguste pour domaine, n'a le droit d'amener dans cette âpre forêt les chiens, les corps, les cris. Le pape seul pourrait, et ne peut, car il n'est le chasseur que des âmes. Non, les violateurs, même les plus infâmes, ne viendrait point verser le sang dans ce saint lieu et troubler les oiseaux du ciel qui sont à Dieu. Quelqu'un l'ose pourtant. Quel est ce téméraire ? Salut à toi, vieillard et père. Salut, frère. Permets-tu qu'un instant je me repose ici ? Mon frère, entrez. Je suis brûlé, je suis transi. La fièvre et le soleil me dévorent. Je marche. J'entre, indigne passant, chez toi, saint patriarche. Je suis très las, je dis Lama Sabachthani. Salut, sois béni, prêtre. Homme, soyez béni. Je suis prêtre aussi, moi. Puisse Dieu vous conduire, c'est bien. Vous avez droit de dire ou ne pas dire où vous allez et d'où vous venez, car les pas viennent tous de l'aurore et vont tous au trépas. Je viens de l'univers et je vais à la ville. Je vais à Rome. À Rome? Oui, moi, tête humble et vile, j'ai quelque chose à faire et les temps sont venus. Je me suis mis en route, au hasard, seul, pieds nus. J'ai marché dans le sable et marché dans la neige. Ma supplique est déjà parvenue au Saint-Siège, car je connais le pape Alexandre VI. Quoi, le nouveau pape ? Il est espagnol, comme moi. Nous nous sommes connus à Valence. Il s'appelle Borgia. Mais toi, prêtre en cette âpre chapelle, qu'es-tu, vieillard, que Dieu dans ce désert guida ? Ton nom ? François de Paul. Et vous ? Torquemada. François de Paul. Un saint. Non. Tu rends des oracles. Non. Mais tu fais, dit-on, mon père, des miracles. J'en vois. Tous les matins, l'aube argente les eaux. L'énorme soleil vient pour les petits oiseaux. La table universelle aux affamés servis se dresse dans les champs et les bois, et la vie emplit l'ombre, et la fleur s'ouvre, et le grand ciel bleu, lui. Mais ce n'est pas moi qui fais cela, c'est Dieu. Père, Jésus nous met l'un en face de l'autre. Moi qui suis le voyant, je parle à toi, l'apôtre. Écoute, n'as-tu pas quelquefois réfléchi au pape, homme à tiare et sépulcre blanchi? Et ne t'es-tu pas dit qu'un inconnu, peut-être, en présence du faux pontife, est le vrai prêtre? Et que tout en restant par devoir prosterné devant l'altier vicaire au hasard couronné, cet inconnu pensif porte en lui l'âme même de l'Église dont l'autre a le vain diadème. Eh bien, que dirais-tu si ce chef de la foi, et si cet inconnu suprême, c'était moi? Le pape, homme de Dieu, règne, il n'est pas de Rome. Nul n'est homme de Dieu s'il n'est l'homme des hommes. Je suis cet homme-là, l'enfer et sa noirceur, attend de l'univers, je suis le guérisseur, aux mains sanglantes, calme, il sauve et semble horrible. Je me jette effrayant dans la pitié terrible, vrai, efficace, et j'ai pour abîme l'amour. Je ne vous comprends pas. Prions. Jadis un jour, j'étais jeune et j'avais depuis peu cette robe. J'ai vu dans Sainte-Croix de Ségovie un globe qui figure le monde avec tous les états, les fleuves, les forêts, toute la terre, un tas d'empires, les pays, les frontières, les villes, la neige avec ses monts, la mer avec ses îles, toutes les profondeurs où remue à grand bruit le vaste genre humain fourmillant dans la nuit. Tu sais, père, il n'est pas d'empereur qui ne tienne un globe dans sa main, idolâtre ou chrétienne. Moi, j'ai sous mon regard eu cette vision. L'univers, chaque zone et chaque nation, Europe, Afrique et l'Inde où l'on voit l'aube naître. Et j'ai dit, il s'agit de devenir le maître. Et j'ai dit, il s'agit de dominer cela, pour Jésus qui souvent en songe m'appela. Écoute, Dominique a mal compris la flamme. Elle est sublime, à moins qu'elle ne soit infâme. Dominique voulait punir, je veux sauver. Les bûchers sont éteints, je viens les relever. Comprends-tu maintenant? Oui. Je veux, sur la terre, allumer l'incendie énorme et salutaire. Père, rien de meilleur jamais ne se rêva. Et j'entends dans ma nuit Jésus qui me dit « Va, va, le but absoudra pourvu que tu l'atteignes. Je vais. » Voici de l'eau, du pain et des châtaignes. Buvez à votre soif, mangez à votre faim. Et quant à vos projets, dont j'entrevois la fin, avant que le premier de vos bûchers flamboie, je prierai Dieu pour vous afin qu'il vous foudroie. Car mieux vaudrait pour vous et pour le genre humain votre mort qu'un tel pas, fils, dans un tel chemin. Triste affaiblissement d'un esprit solitaire. Ce pauvre saint n'a pas compris. L'homme est sur terre pour tout aimer. Il est le frère, il est l'ami. Il doit savoir pourquoi s'il tue une fourmi. Dieu de l'esprit humain a fait une aile ouverte sur la création. Et sous la branche verte, dans l'herbe, dans la mer, dans l'onde et dans le vent, l'homme ne doit proscrire aucun être vivant. Prier, croire, adorer, c'est la loi, c'est ma loi. Qu'il observe et sauve. Tu ne sauves que toi. Tu n'es que l'espérance et je suis le salut. J'aide Dieu. Par ma foi, tous mes joueurs de lutte ne m'amuseraient pas, fils, plus que vous ne faites. Je viens de vous entendre avec plaisir. Vous êtes deux idiots. J'étais en bas et je chassais. J'ai planté là les chiens, les pièges, les lacets. Et j'ai dit, allons donc là-haut voir ce bonhomme. J'arrive, ah, vous m'avez diverti, mais en somme, vivre ce serait fort ennuyeux si c'était ce que vous dites. Dieu, s'il existe, il se tait. Certes, en faisant l'homme a fait un saut chef-d'œuvre. Mais la progression du ver à la couleuvre, du serpent au dragon, du dragon à Satan, c'est beau. Torquemada, je te connais, va-t'en. Retourne dans ton pays, j'ai reçu ta demande. Je te l'accorde, va, fils, ton idée est grande. J'en ris. Rentre en Espagne et fais ce que tu veux. Je donne tous les biens des Juifs à mes neveux. Fils, vous vous demandiez pourquoi l'homme est sur terre? Moi, je vais en deux mots le dire. À quoi bon taire? La vérité, jouir, c'est vivre. Ami, je vois hors de ce monde rien, et dans ce monde, moi. Chacun voit un mot luire à travers tous les prismes. Toi, c'est prier. Moi, c'est jouir. Deux égoïsmes. Le hasard a pétri la cendre avec l'instant. Cet amalgame est l'homme, or moi-même n'étant... Comme vous que matière, ah, je serais stupide d'être hésitant et lourd quand la joie est rapide, de ne point mordre en hâte au plaisir dans la nuit et de ne pas goûter de tout puisque tout fuit. Avant tout être heureux, je prends à mon service ce qu'on appelle crime et ce qu'on nomme vice, l'inceste préjugé, le meurtre expédiant. J'honore le scrupule en le congédiant. Est-ce que vous croyez que si ma fille est belle, je me gênerais, moi, pour être amoureux d'elle? Ah, ça! Mais je serais un imbécile. Il faut que j'existe. Allez donc demander au gerfaut, à l'aigle, à l'épervier, si cette chair qu'il broie est permise et s'il sait de quel nid sort sa proie. Parce que vous portez un habit noir ou blanc, vous vous croyez forcé d'être inepte et tremblant, et vous baissez les yeux devant cette offre immense du bonheur que vous fait l'univers en démence. Ayons don de l'esprit, profitons du temps, rien étant le résultat de la mort, vivons bien. La salle de bal croule et devient catacombe. L'âme du sage arrive en dansant dans la tombe. Servez-moi mon festin, s'il exige aujourd'hui un assaisonnement de poison pour autrui, soit. Qu'importe la mort des autres, j'ai la vie. Je suis une faim vaste, ardente, inassouvie, et le monde est pour moi le fruit à dévorer. Mort, je veux t'oublier. Dieu, je veux t'ignorer. Vivant, je suis en hâte heureux. Mort, je m'échappe. Qu'est-ce que ce bandit ? Mon père, c'est le pape. C'est un rêve ? Non, c'est réel. Je suis prince. Comte, roi de Burgos. Moi. Dans cette province, vous êtes le premier après notre seigneur, le roi Don Ferdinand. Vous avez tout, bonheur et grandeur. Oui, je vais épouser Doña Rose. Dans une heure. On lui met sa couronne, on dispose, la chapelle est pour vous, on commence à prier. C'est l'évêque d'Urgel qui va vous marier, c'est moi qui règle tout pour la cérémonie. Le roi m'en a chargé. Vous, notre bon génie. Doña Rose, pendant qu'on allume l'autel, vous attend dans ce cloître et moi, Gilles de Fuintel, j'en vais ouvrir la porte et vous livrer passage, afin que votre Altesse aille, selon l'usage, chercher sa fiancée et la ramène ici. Pour faire hommage au maître et lui dire merci. Le roi veut vous parler avant qu'on vous marie. Tel est l'ordre, il sera dans cette galerie. J'aimerais mieux aller droit à l'église. Il faut obéir, mon seigneur. Le roi dira ce mot. Je consens, et d'ailleurs c'est la coutume ancienne, votre couronne étant vassale de la sienne. Soit. Il faut vous astreindre aux usages légaux. Ainsi, mon père... C'est Georges, infant de Burgos. Et mon grand-père, c'est... C'est moi. C'est le roi, père, de l'infant. Vous aurez un règne long, prospère. Comptez sur moi, je veux votre félicité. Et je confie à Dieu votre tête bénie. Si vous étiez malade en un lit d'agonie, et si, comme jadis, pour Jean, comte de Ray, il vous fallait du sang qu'à boire, j'ouvrirais... Mes veines pour vous voir au gré de mon envie, pendant que je mourrais renaître de ma vie. Ô mon prince, mon roi, mon seigneur, mon enfant. Comme il a l'air bon, comme il a l'air triomphant. Ah, bah, je ne veux rien savoir de ce mystère. Moi, je suis hors de l'homme, mais je pourrais sur terre... Empêcher tout le mal, produire tout le bien, en remuant un doigt, que je n'en ferai rien. Je rampe, je regarde et je suis inutile. Telle est ma fonction. C'est sous ce péristyle que le roi tout à l'heure attendra mon seigneur. Prince, entrez. Cette garde est pour vous faire honneur. Dans une heure, il sera marié, prince et comte. Chaque instant qui s'écoule est un degré qu'il monte, du fond de la nuit vers la lumière. À présent, encore un pas, il est auguste, heureux, puissant. Oh, l'enfant innocent, lui, sur l'aïeul infâme. Et je pleure ébloui de ce que ma vieille âme, sombre, rapetissée et vile, ô Dieu clément, peut encore contenir d'épanouissement. Ah, te voilà, marquis. Seigneur. Je suis bien aise de causer avec toi. Qu'est-ce que cette chaise et pourquoi cette épée au-dessus ? Roi, ceci est le trône où jadis votre aïeul Don Garci s'asseyait et le glaive est au plus haut du dôme comme attribut du roi. Certes, dans ce royaume, je suis celui de qui vient la vie et la mort. Vous êtes deux. C'est vrai. Ce moine abject. D'accord. Abject, mais grand. Devant Torquemada, tout tremble. Même vous. Quand on voit cette bannière, il semble qu'on sent la chair fumante et l'odeur du bûcher. Où ces hommes masqués vont-ils ? Ils vont chercher ceux qui seront brûlés sur la place publique. Vous êtes un bourgeois quelconque, on vous implique dans quelque imbroglio lugubre à votre insu. Ou bien chez vous, sans trop vous en être aperçu, vous avez dit un jour quelques sottes paroles. À peine dit par vous, le mot fatal s'envole, court vers le Saint-Office et va tomber sans bruit en cette sombre oreille ouverte dans la nuit. Alors on voit sortir d'un cloître au triste dôme cette bannière avec ses deux rangs de fantômes. Et la procession se met en mouvement. Elle avance au milieu du peuple lentement. Elle passe à travers tout ce qu'elle rencontre. Rien ne l'arrête, on fuit sitôt qu'elle se montre. Ce sont les familiers de l'Inquisition. On se prosterne, on sait que cette vision est une main qui va chez lui saisir un homme. Elle traverse ainsi toute la ville, comme en ce moment, toujours devant elle, la marchand. Qu'il fasse jour ou nuit, sans un cri, sans un chant, elle va droit au but, muette et redoutable. Vous, vous êtes chez vous, tranquille, assise à table, riant, jasant, cueillant des fleurs dans le jardin, embrassant vos enfants, et vous voyez soudain cette tête de mort venir à vous dans l'ombre. Oh, que de gens brûlés! On n'en sait plus le nombre. Quiconque voit marcher cet étendard vers lui est perdu. Le roi donne au clergé trop d'appui. Quoi, Torquemada fait un conciliabule, parle au pape, revient et rapporte une bulle. Cela suffit, le roi s'éclipse et son pouvoir, éblouissant, joyeux et doré, devient noir. Ce moine usure. Il a mis en quelques années son front vil au niveau des têtes couronnées. Le roi n'écoute pas. C'est qu'il a dans l'esprit autre chose. Toujours j'ai suivi bien mon prix, tes avis qu'entre tous j'écoute et je préfère. Je veux te consulter, marquis. Sur une affaire qu'il faudrait qu'ici même, en hâte, on dépêchât. Psst, psst. Que va-t-il se passer, jeune tigre et vieux chat ? Je suivrai tes conseils. J'en connais la justesse. Je sais ce que cela veut dire. Votre Altesse fera précisément ce que je lui dirai. De ne pas faire. Tout marche-t-il à ton gré, en politique, toi si profond en intrigue? Que vois-tu de solide en Europe? Une digue. Cette digue, c'est vous. Vous seul, vous restez droit. Tout s'abaisse devant la France qui s'accroît. Seigneur, par un seul point, vous êtes vulnérable. La Navarre, frontière ouverte. L'admirable, c'est que bien avant nous, vous avez vu le mal et trouvé le remède et pris au cardinal, à ce vieux roi telé d'Orthèse, l'infant d'Ensanche. Et de votre côté, la balance enfin penche. La puissance est en vous, Sanche a le droit en lui. Vous êtes le colosse, il est le point d'appui. Vous l'avez comme l'aigle à l'aiglon dans sa serre. Le seul homme ici-bas qui vous soit nécessaire, c'est lui. Tant qu'il vivra, la France est en échec. Nécessaire, lui seul, mais nécessaire. Avec l'infante Doña Rose. Et tu dis qu'il m'importe que Sanche vive. Certes. Eh bien, quand cette porte va s'ouvrir tout à l'heure, on va le tuer là. Rose me plaît. Jamais front plus fier ne mêla la pudeur au sourire, et jamais une fille n'accoupla mieux la voix qui charme à l'œil qui brille. Elle regarde avec un doux air inhumain. Elle a de petits pieds qui tiendraient dans ma main. Elle tremble aisément, sa beauté s'en augmente. Or, puisque moi, le roi, je la trouve charmante, sans chais de trop. C'est juste. Ah, la raison d'État voudrait qu'à ses penchants le maître résistât, je le sais. Quel parti fallait-il que je prisse? Cela n'est pas venu tout d'un coup, ce caprice. Être un grand roi, c'est lourd. Le cœur prend sa revanche. Je suis fâché d'avoir à tuer ce Don Sanche et de le tuer là, chez lui, dans son foyer. Mais on n'est pas sur terre, enfin, pour s'ennuyer. Est-ce ma faute à moi si cette fille est belle? Ce n'est pas votre faute, en effet. Isabelle me fatigue. Il me faut une autre femme. Enfin, j'ai bien le droit d'aimer, moi. Le lion a faim. Écoute, j'aime, donc je hais. Je me retrace, leur enfance en commun, ce cloître, elle, sa grâce, lui, son audace, l'herbe et le chant de genêt, et l'ombre, et les baisers que l'insolent prenait. Ce Don Sancho, j'en suis jaloux. Je m'en délivre. Je me plais à compter dans mon cœur de rage ivre les sombres battements de la haine et j'en veux sentir l'âpre frisson jusque dans mes cheveux. Comme le volcan froid sous la neige farouche sans sa lave au flot noir lui monter à la bouche. Qui voudrait m'adoucir me ferait rugir mieux. L'essai d'apaisement me rendrait furieux. Marquis, je briserais Dieu lui-même. Il existe. Pour supprimer l'enfant, deux moyens. Deux. L'un triste, le cloître, l'autre alerte et rapide, la mort. Le cloître, oui. Le tombeau, cependant, est plus fort. Il n'entend rien, son gouffre est sûr, sa porte est lourde. Le cloître est un muet, la tombe est une sourde. Le sépulcre a cela de bon qu'on n'en sort pas. Un cercle abject tracé par un hideux compas et le cloître, à jamais on y tourne. Don Sanche verrait sa tête blonde ainsi devenir blanche et pâle vieillirait captif des noirs parvis. J'ai le choix. J'aime mieux qu'il meure. Ton avis? Vous avez raison. Hein? Faites-le mourir, sire. Qu'est-ce qu'on était donc venu tout bas me dire? Que Sanche était son fils? Ce n'est pas vrai. Je vois comme vous. Comme on ment dans l'oreille des rois. Je vous approuve. Donc, ton avis est qu'il meure? Oui. Et c'est louche. Il vient d'affirmer tout à l'heure que ce Don Sanche m'est nécessaire et qu'il faut qu'il vive pour le bien de mon état. Sitôt que Sanche est mort, mon droit sur la Navarre expire. J'ai d'un côté la France et de l'autre l'Empire. Le sang... Les rois sanglants sont les rois bien servis. Tués. Il est vendu sous main au roi de France. Que... Mais tu me disais, Sanche est votre espérance, il vous est nécessaire et tant qu'il vit, la paix est sûre du côté des monts. Je me trompais. Vous êtes grand et nul ne vous est nécessaire. Pas même Dieu. Tu es. Je te sens très sincère. Mais réfléchis, le peuple, un tas de mendiants, prend mal la politique et ses expédients. La foule apitoyée aisément se chagrine pour quelques coups d'estoc trouant une poitrine. On plaint le mort, surtout s'il était beau garçon. On me pleure au cercueil, on m'oublie en prison. Mon cher, défions-nous des choses trop hardies. Sanche est jeune, on n'a pas le goût des tragédies. Beaucoup de bonnes gens, vois-tu, me sauraient gré qu'il fût dans un couvent tout doucement muré. C'est si bon, la douceur. Quand un cloître on le tienne, peut-il fuir? Non. La tombe est meilleure gardienne. Mais un meurtre... Ces murs y sont habitués. Traître. Marquis, quel est ton dernier mot ? Tuer. Les clairons, les voici. Ferdinand de Castille, roi, cet homme, Don Sanche, épouse cette fille, Doña Rose, et tous deux descendent des rois Goths. Elle, dame d'Orthez, lui, comte de Burgos. Je vais les marier, s'il vous plaît, ô mon maître. Et Sanche, à vos genoux, amené par le prêtre, vous présentant sa femme et vous offrant sa foi, viens, car il est le comte et vous êtes le roi. Je dépose à vos pieds, sire, mes seigneuries. Quelle est cette démence, évêque ? Tu maries, prêtre, une nonne avec un moine. Seigneur roi ! Ignores-tu qu'ils ont fait des vœux ? Sans effroi, oses-tu consommer ce sacrilège infâme ? Sire ! Un froc à cet homme ! Un voile à cette femme ! Emmenez-les tous deux, chacun dans un couvent. Roi ! Vous me répondez de cet homme. Vivant. Je saurai la reprendre. On voit parfois, en somme, une femme sortir d'un cloître. Et même un homme. De l'argent, beaucoup d'argent. Fort bien. 30 piles de 1000 écus d'or. Bon moyen. Isabelle est avare. Et Ferdinand prodigue. La vérité se loge au fond d'un puits, l'intrigue dans une mine d'or. On obtient des puissants permissions de vivre à force de présents. Pour échapper au maître, au juge qui vous triche, au prince, au prêtre, il faut qu'un pauvre homme soit riche. Les rois sont mendiants, il faut les supplier, les mains pleines. Reprends le petit escalier, va-t'en juif, car le roi me suit de près. J'implore vos bontés, monseigneur, puisqu'il est temps encore. Sauvez le peuple juif. Le péril est urgent, va. Je compte sur vous. Compte sur ton argent. Nous sera-t-il permis de venir tout à l'heure, toute la pauvre foule au désespoir qui pleure, nous jeter aux genoux de la reine et du roi ? Oui, soit, mais pour l'instant, va-t'en. Oh, jour d'effroi ! Si le roi ne nous aide, on va, dans cette ville, brûler 100 vieillards juifs, ici même, à Séville, et le reste du peuple, hélas, sera chassé. Oui, pour l'autodafé, dès longtemps annoncé. Tout est prêt. Est-il vrai que ce soir le roi parte ? Oui, pour un jour. Demain, il reviendra. La charte de l'ancien roi Tulgas, notre plus vieille loi, veut que le lendemain d'un supplice, le roi passe un jour en prière au cloître avec la reine au bourg de Triana. L'on n'aurait pas la peine de prier pour les morts si l'on ne tuait pas. Tâchez de nous sauver, monseigneur. Parle bas et va-t'en. Ce n'est point ta peau de juif ni celle de ton peuple qui fait mon angoisse et mon zèle et qui va me pousser à tout risquer. Hélas, quand de l'autodafé j'entends l'horrible glas, je frissonne. Don Sanche est dans un monastère, refusant d'être moine, obstiné, réfractaire. On peut à chaque instant le jeter au bûcher. Je tremble. Ah, cloître affreux, il faut l'en arracher. Comment ? Ne rien brusquer vaut mieux, je le préfère. Catastrophe aujourd'hui si le roi laisse faire. Là, grand autodafé, force aux gens brûlés vifs. En même temps, édit d'expulsion des juifs. tout un peuple qu'un moine ôte au roi de Castille. Une horde qu'on chasse, un bûcher qui pétille, c'est là ta catastrophe? Ah, de l'argent encore. De qui? Des juifs. Combien? 30 000 écus d'or qu'il vous offre, seigneur, au nom de 30 villes. Bien. Que demande-t-il? Qu'on les laisse tranquilles. C'est beaucoup. Je ne puis laisser tranquillement des hommes être juifs. Que votre cœur clément daigne accepter cet or qu'un peuple non rebelle met au pied de Fernand comme au pied d'Isabelle. Ils demandent au roi, leur seigneur, d'empêcher qu'aujourd'hui 100 d'entre eux meurent sur le bûcher. C'est beaucoup. 100? Non pas, c'est beaucoup que j'empêche un auto-da-fé. J'ai ma femme qui me prêche, le pape aussi, tous deux sont là, très exigeants. Il faut bien leur laisser brûler un peu les gens, sans quoi je n'aurai pas la paix. Quelle nouvelle, que dit-on? Rien, on brûle à Cordoue, à Tudèle, à Saragosse. Et puis? Le comte Requesin, un jour qu'il était ivre, a juré par les saints, roi, l'Inquisition l'a malgré sa couronne, fait jeter au bûcher dans sa ville à Gironne. Et comme aucun valet ne l'avait dénoncé, la torture et la torche enflammée ont passé sur la maison du comte accusé de blasphème, et l'on a tout brûlé jusqu'à son bouffon même. Je me fais familier de l'Inquisition, sur le champ. Peste et fièvre, et j'entre en fonction. Diable, être brûlé vif, ce n'est pas mon affaire. Produit d'une saignée aux Juifs, peuple orifère. Voir les autres rôtir me suffit. Les Hébreux... Dis les Juifs. Les Juifs, sire, industrieux, nombreux, demandent prosternés que le roi les tolère en Espagne et les voit à ses pieds sans colère et révoque l'édit qui les exile. Alors, que veulent-ils? Mourir où leurs pères sont morts. Restez dans leur pays, sire, et je vous présente leur rançon. Prenez-la. Que la reine consente... Et je consentirai. Qu'on la fasse venir. Roi, les Juifs passeront leur vie à vous bénir. Je veux de leur argent et non de leur prière. Leur bénédiction m'insulte. Roi, vos pères, trouvez bon de régner sur eux. Les Juifs chassés, c'est un peuple de moins dans le royaume. Assez! Il s'agit bien d'un peuple, il s'agit d'une fille. Depuis qu'entre elle et moi j'ai fermé cette grille, je ne dors plus, j'en rêve. Il me la faut. Ah ça, je suis plus que jamais amoureux de Rosa. Que viens-tu me parler politique? Je penche tout entier du côté de l'amour. Et Don Sanche, est-il moine enfin? Non. Les échafauds sont prêts, s'il refuse, il mourra. Je les ai mis exprès tous deux dans deux couvents de la ville où j'habite pour les avoir toujours sous la main. La petite au cloître Asuncion et lui sous les verrous du couvent Saint-Antoine où Don J'aime le Roux, mon aïeul, enferma jadis son fils rebelle. Don Sanche sera prêtre et moi j'aurai la belle. Je vais reprendre Rose. Et le nouvel édit sur les couvents? L'édit? Et déclaré bandit, traître et pervers à Dieu, parricide, anathème, quiconque ose en un cloître entrer, fût-ce vous-même, pour y mettre la main sur qui que ce soit. Hein? J'entre et suis roi partout? Le moment est prochain où je vais ressaisir l'infante. Je diffère, mais j'achève. À moi, Rose. Ah, vous aurez affaire... Affaire à qui? Mais... Dis, parle. À Torquemada. Moi, le roi? Lui, le grand inquisiteur. Oui, da. Seigneur, l'Église en lui s'incarne. S'il se fâche, eh bien. L'Église prend facilement et lâche malaisément. Il est l'inquisiteur. Il est chargé de maintenir les couvents au complet. Pas une nonne, pas un moine que la fraude ou la force lui puisse arracher. Sire, il rôde, montrant les dents autour des cloîtres, mordant tout fauve, et tous ses agneaux sont gardés par un loup. Le roi n'attaque pas le prêtre s'il est sage. Sire, Torquemada vous barre le passage. Il fait échec au roi, bien que vous en ayez. Ce n'est rien, c'est un homme à corrompre. Essayez. S'il me plaît de dompter ce moine... Essayez, sire. Je puis prodiguer tout ce qu'un homme désire. Et toujours devant moi, le plus fier s'inclina. Et d'abord, pour venir à bout d'un prêtre, on a les femmes. Il est vieux. Les dignités, la mitre, la pourpre, un diocèse, une grandesse, un titre, les honneurs. Sire, il veut rester moine. L'argent. Sire, il veut rester pauvre. Oui, vieux, humble, indigent, cet homme est fort. Avoir cette pauvreté sombre, toute puissante, égale à moi, jetant de l'ombre sur mon trône, à côté de moi, ce compagnon, toujours auprès du roi. Même plus haut? Non, non. Les femmes, les honneurs, l'argent n'ont pas de prise. Pour vous débarrasser de cette robe grise, aucun de ces moyens n'est bon. J'en trouverai d'autres, moi. Comprends-tu? Hein? Non. Lesquels? Les vrais. Comprends-tu? Non. On a, pourquoi pas ce système, poignardé le vieux prêtre Arbué sur l'autel même. Cela réussit mal. On a fait saint Arbué. Voilà tout. Vous régnez et vous distribuez, comme il vous plaît, les biens, les rangs, les coups de hache. Mais au point qu'il étreint, l'église en feu s'attache. En la persécutant, vous la constituez. Les prêtres ont cela que si vous les tuez, ils sont plus vivants. Rien ne les fait disparaître. D'un tas de prêtres morts naît ce spectre, le prêtre. Leur sang est éternel et leurs os sont féconds. Nous les brisons vivants, morts, nous les invoquons. Ah, roi, vous opprimez l'église à le sentir par des palmes, des chants, des pleurs et du martyr. Massacrez ces cafards du cloître ivre de fiel. Frappez, bien. Maintenant, levez les yeux au ciel. Le voilà plein de saints, de votre façon, sire. Joignez les mains, tombez à genoux. Moi, j'admire l'église. Esclave ou reine, elle a le dernier mot. Elle le fourmille en bas, elle le fourmille en haut. Vous l'écrasez, vermine, elle renaît Pléiade. Elle est la maladie et je suis le malade. Tu dis vrai, brave Rome, on s'en est repenti. Il faut se résigner. Comme il prend son parti. Le danger avec lui, c'est que pour en extraire une action, il faut conseiller le contraire. Et pour qu'il aille au sud, le pousser vers le nord. Cette fois, il me croit, diable, ma ruse a tort. Le chemin tortueux que je croyais utile ne vaut rien. Allons droit au but, changeons de style. Ah, vous avez laissé grandir le tonsuré, le moine, et maintenant il est démesuré. Ce Torquemada... Tiens l'Espagne. Il est pontife. Partout où vous posiez votre ongle, il met sa griffe. Il vous remplace. Altesse, ah, ce n'est plus le temps où, quand bon vous semblait, choisissant vos instants, vous pouviez dans un cloître entrer avec menace et faire lâcher prise à l'église tenace. Vous pouviez faire pendre un abbé. Maintenant, ne vous y frottez point. Ah, ce moine est gênant. Partout, le clergé pousse et croît comme la ronce. Tout cède aux vils sourcils d'un moine qui se fronce. D'un mot, le roi pourrait tout empêcher, mais non. Le Saint-Office a mis l'Espagne au cabanon, et le peuple en est presque à ne plus vous connaître. Aujourd'hui même, ô roi, là, sous votre fenêtre, le bûcher va flamber, monceau de feu, massif de braise, où, sous les yeux du confesseur lascif, des femmes se tordront d'âpres flammes vêtues. Aux quatre coins seront droites quatre statues, quatre prophètes noirs dressés aux quatre vents, bâtis de pierres creuses et pleins d'hommes vivants. On entendra rugir ces colosses farouches. On verra frissonner le feu hors de leurs bouches. Et rien ne restera debout que ces géants. Et vos peuples hagards, terrifiés, béants, verront toute l'Espagne et vous et vos royaumes fuir en fumée autour de ces quatre fantômes. Car toute clarté vient du vil Quemadero. Roi, vous disparaissez dans l'ombre du bourreau. Tout cela, c'est le bien de l'Église. Et la perte du trône. La Castille est de charniers couverte, et l'épouvante éparse au loin pousse des cris. Ah, vous vous débattez en vain, vous êtes pris. Au-dessus de l'Espagne est tendue une toile, sombre, à travers laquelle on voit Dieu, vague étoile, réseau noir que Satan sur la terre riva, et tira fil à fil du flanc de Jéhovah. Piège où l'esprit humain misérable se brise, espèce de rosace immense d'une église infinie où l'enfer luit sur le maître-autel. Là frissonne l'horreur, la nuit, l'effroi mortel. Il n'est plus rien de grand sur la terre qu'un prêtre. Lui, ce moine, oh, comment l'enfant ose-t-il naître? Ce moine règne, il a sous ses sandales vous, le roi sur l'âme humaine, il pousse les verrous. Par la gorge, marquis, tu mens. Le roi se nomme Ferdinand. Et ni moine et ni pape de Rome ne feront qu'il en soit autrement, et que moi, le tigre et le lion, je ne sois pas le roi. Et je le prouverai par des têtes coupées. Tu vas m'aller chercher des gens armés d'épées, puis marcher droit au cloître Asuncion, saisir l'infante et tout fouler aux pieds, c'est mon plaisir. Et j'entends que tout plie et se courbe et s'efface, comme si l'on voyait subitement ma face. Et voici l'ordre écrit. Céder, de par la loi, ce que fait le marquis, c'est ce que veut le roi. Et si quelqu'un résiste, alors frappe, foudroie, brûle, écrase, extermine et passe, et qu'on ne voit, au lieu maudit où fut ce couvent, tout à coup, pas un être vivant et pas un mur debout. Si quelques moines... À mort. Quelques reîtres... À la chaîne. Prends 100 coupe-jarrets de ma garde africaine, c'est assez pour forcer un cloître. Et même deux. Quoique venant du roi, ce coup est hasardeux. Va ! Quand j'aurai l'infante, il faut la cacher. Certes. Où ? Dans mon parc secret, place obscure et déserte. Tu sais, je pars ce soir. Je le sais, pour un jour. Je vais à Triana, je veux à mon retour trouver l'infante... Au parc secret. Là, je suis maître. Mais la clé? J'en ai deux, car moi seul j'y pénètre. Et je t'en confie une. Et l'autre, je la prends. Ah, les moines sont forts. Ah, les prêtres sont grands. Ah, Torquemada règne. On verra. Son Altesse, la reine Notre-Dame. En hâte, la vitesse est la condition du succès, marquis. Va, fais ce que je t'ai dit. Qu'est-ce, duc d'Alava? Les députés des Juifs bannis de votre empire demandent la faveur de se prosterner, sire, et madame, aux pieds de vos altesses. Soit, qu'ils entrent. Cours, reprends l'infante, va tout droit au cloître Asuncion. Ensuite à Saint-Antoine. Va. Mais... Quoi? Si le grand inquisiteur... Ce moine... Il est le ver de terre et je suis le dragon. Altesse de Castille, Altesse d'Aragon, roi, reine, ô, notre maître et vous, notre maîtresse, nous, vos tremblants sujets, nous sommes en détresse, et pieds nus, cordes au cou, nous prions Dieu d'abord, et vous ensuite, étant dans l'ombre de la mort, ayant plusieurs de nous qu'on va livrer aux flammes, et tout le reste étant chassé, vieillards et femmes, et sous l'œil qui voit tout du fond du firmament, roi, nous vous apportons notre gémissement. Épargnez-nous l'exil au roi et l'agonie de la solitude âpre, éternelle, infinie. Laissez-nous la patrie et laissez-nous le ciel, le pain sur qui l'on pleure en mangeant et du fiel. Ne soyez pas le vent si nous sommes la cendre. Voici notre rançon. Hélas, daignez la prendre. Ô roi, protégez-nous, voyez nos désespoirs, soyez sur nous, mais non comme des anges noirs. Soyez des anges bons et doux, car l'aile sombre et l'aile blanche, ô roi, ne font pas la même ombre. Roi, reine, ayez pitié. Sur l'édit, sur l'arrêt, la reine et moi voulons nous parler en secret, duc. Si quelqu'un vient, fût-ce un prince, qu'on l'arrête. À quiconque ose entrer, je fais trancher la tête. Ferme la porte, va, garde le corridor. Trente mille marques d'or. Mais ce sont des maudits qui regardent les astres. 30 000 marques d'or font 600 000 piastres, qui font 20 millions de sequins. De sequins. De sequins qui, changés en besans africains, reine, ferait de quoi charger une galère. Oui, mais un juif se fait invisible et s'éclaire en allumant les doigts du bras d'un enfant mort. Sans doute. On chargerait un vaisseau. Jusqu'au bord. De besan. De besan. Et l'on aurait le double de ce poids en douros d'argent. J'ai l'esprit trouble. Monsieur, si nous disions un pater. Pater. Je ferais la guerre à Boabdil avec cet or, sans frais. Kaelo. Monsieur, si de nous deux je mourais la première. Jurez-moi de ne point vous remarier. Guerre à Boabdil avec cet or. Le jurez-vous? Quoi? Sans doute. Cet or paierait tous les frais tous. J'aurai grenade, perle à notre diadème. Monsieur, prenons l'argent et chassons tout de même les juifs que je ne puis accepter pour sujet. Chassons les juifs, gardons leur argent. J'y songeais. Oui, mais cela pourrait en décourager d'autres. 30 000 écus d'or dans vos mains. Dans les vôtres. Pourrait-on demander davantage? Plus tard. Je reprendrai grenade aux villes croissant bâtards. On garderait les juifs, mais en chassant les morts. Oui. Compensation. Choix entre deux gomores. Acceptons-nous l'argent? Oui. Bien. Mise à néant de l'édit qui bannit ce troupeau mécréant, les juifs, et qui, du peuple espagnol, les sépare. Défense d'allumer le bûcher qu'on prépare. Ordre de délivrer tous les juifs prisonniers. C'est dit. Judas, vous avez vendu 30 deniers. Cette reine et ce roi sont en train de vous vendre 30 000 écus d'or. Ciel. Juifs, venez le prendre. Mon père. Triomphez, juifs, comme il est écrit, cette reine et ce roi vous livrent Jésus-Christ. Mon père. Sois maudit, roi. Sois maudite, reine. Grâce. À genoux. Tous deux. Ici la souveraine. Et là le souverain. Un tas d'or au milieu. Ah, vous êtes la reine et le roi. Voici Dieu. Je vous prends en flagrant délit. Baisez la terre. Grâce. Horreur. Donnez-nous l'absolution, père. Excès d'audace. Ainsi, c'est ton règne, Antéchrist. Les juifs rapatriés, l'autodafé proscrit. On n'allumera point le bûcher secourable. Ces rois ne veulent pas. Ainsi ce misérable, le sceptre, ose toucher à la croix. Ce bandit, le prince, ose être sourd à ce que Jésus dit. Il est temps qu'on vous parle et qu'on vous avertisse. le Saint-Office a droit sur vous, de sa justice. Le pape est seul exempt, les rois ne le sont pas. Pendant votre sommeil, pendant votre repas, à toute heure apportant les sévères tristesses, notre bannière a droit d'entrer chez vous, Altesse. Toujours les rois faux dieux ont donné de l'emploi au tonnerre et le ciel les hait. La vaine loi, ô prince, c'est la vôtre et nous avons la vraie. Nous sommes le froment et vous êtes l'ivraie. Un jour viendra la faux des immenses moissons. Roi, nous vous subissons, mais nous vous dénonçons. Nous jetons chaque jour vos noms dans le mystère où vous attend la peine obscure et solitaire. Des crânes des rois morts, les lieux noirs sont pavés. Ah, vous vous croyez fort parce que vous avez vos camps pleins de soldats et vos ports pleins de voiles ? Dieu médite l'œil fixe au milieu des étoiles. Tremblez. Grâce. Seigneur inquisiteur, le roi et la reine, contrits et confessant la foi, entendent réparer le mal qu'ils allaient faire. Les juifs seront bannis. Et nous permettons, Père, à vous, au Saint-Office, à votre Saint-Clergé, d'allumer le bûcher sur l'heure. Est-ce que j'ai attendu ? Regardez ! Fête, ô gloire, ô joie, la clémence terrible et superbe flamboie, délivrance à jamais, damnés, soyez absous, le bûcher sur la terre éteint l'enfer dessous, miséricorde ardente aux caresses sans nombre, mystérieux rachat des esclaves de l'ombre, auto da fé, pardon, bonté, lumière, feu, vie, éblouissement de la face de Dieu. Délivrance à jamais, damnés, soyez absous, le bûcher sur la terre éteint l'enfer dessous. Miséricorde ardente aux caresses sans nombre, mystérieux rachat des esclaves de l'ombre, auto da fé, pardon, bonté, lumière, feu, vie, éblouissement de la face de Dieu. Oh, quel départ splendide et que d'âme sauvée! Juifs, mécréants, pécheurs, ô mes chers couvés, un court tourment vous paye un bonheur infini. L'homme n'est plus maudit, l'homme n'est plus banni. Un court tourment vous paye un bonheur infini. L'homme n'est plus maudit, l'homme n'est plus banni. J'ai posé sur l'enfer la flamme bienfaitrice, et j'en vois dans l'immense azur la cicatrice. C'était ton coup de lance au côté, Jésus-Christ. Hosanna, la blessure éternelle guérie. Plus d'enfer, c'est fini, les douleurs sont taries. Rubis de la fournaise, ô braise, pierrerie, Satan, mon ennemi, qu'en dis-tu ? Feu, lavage, de toutes les noirceurs par la flamme sauvage, transfiguration suprême, acte de foi, nous sommes deux sous l'œil de Dieu, Satan et moi. Deux porte-fourches, lui, moi. Deux maîtres des flammes, lui perdant les humains, moi secourant les âmes. Tous deux bourreaux faisant par le même moyen. Lui l'enfer, moi le ciel, lui le mal, moi le bien. Il est dans le cloaque et je suis dans le temple. Et le noir tremblement de l'ombre nous contemple. L'évanouissement de la fumée emporte là-haut l'esprit vivant sauvé de la chair morte. Tout le vieux crime humain de l'homme est arraché. L'un avait son erreur, l'autre avait son péché. Faute ou vice, chaque âme avait son monstre en elle, qui rongeait sa lumière et qui mordait son aile. L'ange expirait en proie au démon. Maintenant, tout brûle et le partage auguste et rayonnant se fait devant Jésus dans la clarté des tombes. Dragons tombés en cendres, envolez-vous, colombes. Vous que l'enfer tenait, liberté, liberté, montez de l'ombre au jour, changez d'éternité. Dragons tombés en cendres, envolez-vous, colombes. Vous que l'enfer tenait, liberté, liberté, monter de l'ombre au jour, changer d'éternité. Souvenir, monseigneur, que c'est moi qui vous livre la clé du parc secret du roi. Moi, Guccio, le bouffon dudit roi, notre sire. Quel crime y fera-t-on ? Je ne saurais le dire. Je ne m'y connais pas. Je trouve qu'il est mieux que vous soyez ici pour tout voir par vos yeux. Il s'agit des seins droits du cloître et d'une fille que le roi veut forcer, bien que par sa famille, elle soit fiancée à son jeune cousin. C'est tout ce que je sais de ce méchant dessein. Je suis le fou du roi. C'est moi qui le fais rire. Dénoncer, c'est mal, mais être rôti, c'est pire. Mon choix est fait. Bonsoir, je ne suis point coiffé du bonheur de briller dans un auto d'affé. Brillons comme un esprit, non comme une chandelle. Castillon, à cette heure, à qui suis-je fidèle ? À moi, cela suffit. Niez qui m'avait cru. Un héros, un vaillant hardi, cassant bourru, un martyr souhaitant la mort, vous vous trompâtes. Que va-t-il arriver ? Je m'en lave les pattes. D'ailleurs, si je brûlais, le roi resterait froid. Ce vieux bonhomme-ci n'a qu'à lever le doigt. Et l'on verra tomber son Altesse à plat ventre. Donc dénonçons, tant pis, ne songeons qu'à moi, diantre. Je retire du jeu mon épingle et m'en vais. À peine absous, ce roi recommence, mauvais. Donc c'est le parc secret. La cachette des vices. Voilà qu'on vient. Partons. Vos robes de novice, s'il faisait jour, seraient un péril. Mais le lieu est désert, il fait nuit, nul ne nous voit. Mon Dieu, vous voilà délivrés. Personne ne se doute que vous êtes ici. J'ai pris une autre route que la route ordinaire et nul ne m'a suivi. J'ai renvoyé les gens dont je m'étais servi, mais rien n'est fait encore et je tremble. Il faut vite des habits, des chevaux, partir, prendre la fuite. Nous n'avons que jusqu'à demain pour y songer. Oh, j'ai bien refermé la porte. Nul danger. Le roi seul peut entrer, mais il est absent. Prince, madame, fiez-vous à moi pour que j'en vinsse à vous tirer de là. Tout ce qu'il a fallu de peine est effrayant, mais je suis résolu. Et devant le péril, je sens ma force croître. J'ai dévoué ma vie à vous deux, hors du cloître. C'est le premier pas, hors d'Espagne et le second. Hélas, je ne suis point d'un esprit infécond. Mais comment ferons-nous pour passer la frontière ? Torquemada se dresse et tient l'Espagne entière. Et de l'abaissement du roi fait sa hauteur. J'ai forcé deux couvents. Le grand inquisiteur va me poursuivre. Ici, rien ne nous trouble encore. Mais il nous faut un autre asile avant l'aurore. Le roi peut survenir. Que faire ? Où trouver quelqu'un qui vous abrite et veuille vous sauver ? Il faudrait pour cela quelques moines. Les prêtres sont tout puissants. Je vais chercher. Mais ils sont traîtres. Parfois un prêtre vend ceux qui l'ont acheté. Oh, que je vous voudrais en France en sûreté. J'ai de plus un souci que je ne puis vous taire. C'est que ce parc secret, bien que fort solitaire, est voisin des palais du Saint-Office au point que sa muraille au mur des prisons se rejoint. Je vous quitte un instant, fuir ou mourir ensemble. Oui, je vais vous chercher un refuge. Oh, je tremble. C'est égal. vous voilà vivant. Soyez bénis. Ah, nous vous devons tout. Oh, mes pauvres bannis, il faut trouver moyen d'échapper aux poursuites. Attendez-moi. Comment vous remercier, dites. En étant heureux. Ah, je frémis te revoir, c'est le ciel. Mais trembler pour toi, quel désespoir. Dieu nous réunit, Dieu nous sauvera. Je t'aime. Oh, de cette hauteur étoilée suprême, est-ce qu'il ne va pas descendre un immortel qui vienne te couvrir de son ombre? Le ciel, n'a-t-il plus d'ange et l'ange, hélas, n'a-t-il plus d'aile? Nous avons un ami, ce pauvre homme fidèle. Hélas, il est lui-même effrayé. Le danger est partout. Oh, qui donc viendra te protéger? Moi? Je vous reconnais. Ce vieillard. Je suis l'homme condamné par Gomorrhe et frappé par Sodome que vous avez aidé, vous, enfants inconnus. J'étais dans le sépulcre et vous êtes venus. Vous m'avez délivré, vous êtes la colombe et l'aigle qui m'avait retiré de la tombe. Vous êtes ceux à qui je dois de voir le jour. Ah, vous m'avez sauvé, maintenant c'est mon tour. C'est ce vieillard. Je vois à vos robes de serge que vous êtes tous deux consacrés à la Vierge. Je vous retrouve tel que je vous vis d'abord. Je n'étais plus vivant et je n'étais pas mort. Vous m'êtes arrivés d'en haut comme deux anges. Vous m'avez sauvé. Dieu, par des routes étranges, me ramène aujourd'hui, moi, dans votre chemin. Vous appelez à l'aide et je vous tends la main. J'étais dans le tombeau, vous vintes, toi captive, toi captif. Vous tremblez dans ce lieu noir, j'arrive. Sans moi, vous péririez. Sans vous, j'étais perdu. Vous fûtes imprévu, je suis inattendu. Comment donc êtes-vous ici? Comment y suis-je? Vous fûtes le miracle et je suis le prodige. Dieu sait ce qu'il fait. Oui, c'est lui. Ne craignez plus. Je suis là. J'entrevois quelques pièges, reclus. Et moine, je connais les hommes. Je vous aime. Et je vous défendrai contre le roi lui-même. Vous êtes donc auprès du roi même? Au-dessus. Qui donc êtes-vous? Rien par moi, tout par Jésus. Comment vous nommez-vous? Mon nom est Délivrance. Je suis celui qui voit l'affreuse transparence de la terre et l'enfer dessous, et mes regards poursuivent les démons consternés et hagards. Et j'aperçois en bas le gouffre qu'il faut craindre, le feu sombre, et je tiens l'urne qui doit l'éteindre. Mais vous, dites-moi donc les noms que vous portez. Sanche, infante de Burgos. Rose, infante d'Orthèse. Nous sommes fiancés. Vous n'avez fait, je pense, que des vœux qu'on délie avec une dispense. Mais comment se fait-il que vous soyez ici? Le roi m'a mis de force au couvent, elle aussi. Nous nous sommes enfuis. Vous paierez une amende. Le roi paiera plus cher, sa faute étant plus grande. Que le cloître de Dieu soit la prison du roi, c'est un crime et nul n'entre au couvent malgré soi. Vous êtes libre, rose, espère, sanche, espère. Que voulez-vous encore? Nous marier, mon père. Soit, je vous marierai moi-même. Oh, mon seigneur! Aux morts le paradis, aux vivants le bonheur. Voilà ce que j'apporte, et je tiens humble et calme, d'une main une torche et de l'autre une palme. Soyez heureux. Oh, joie! Oh, je ne sais pourquoi, quand je suis près de vous, je ne crains plus le roi. Si je craignais quelqu'un, ce serait vous. Vous êtes comme une providence étrange sur nos têtes. Oui, je vous sauverai tous les deux. Comptez-y. Oh, qui que vous soyez, prêtre, évêque, merci. Père, soyez béni. Ce fut une heure auguste que celle où Dieu permit, ô vieillard saint et juste, que nous entendissions vos cris dans le tombeau. Je m'en souviens, j'y suis encore, il faisait beau. On était en avril, moi je cueillais des roses. Elle courait après les papillons, les choses que nous disions tout bas se mêlaient au soleil. Le soir vint, tout à coup, j'entends un cri pareil à l'appel d'un mourant et je vois une pierre. Et j'écoute... Et tu dis, un homme est sous la terre. Sauvons-le, mais la pierre était trop lourde, hélas. Rose, une croix de fer était tout près. Tu l'as arrachée. Oui, j'ai pris la croix, bon levier, certes. Et grâce à cette croix, la tombe s'est ouverte. Et vous êtes sortis du sépulcre vivant. Au ciel, ils sont damnés. À nous deux, moi levant, la pierre, elle, pesant sur la barre et penchée, nous ouvrîmes la fosse. Une croix arrachée. Sacrilège majeur. Le feu, l'éternel feu, sous eux s'entr'ouvre. Ils sont hors du salut, grand Dieu. Les voilà hors de l'ombre immense du calvaire. Malheureux, ce n'est plus au roi qu'ils ont affaire. C'est à Dieu. Ce levier de fer, êtes-vous sûr que c'était une croix? Certes, au pied des vieux murs. Elle était là, debout dans l'herbe séchée. Je l'ai prise en mes poings. Une croix arrachée. Une croix. C'est égal. Sauvons-les. Autrement. À tout à l'heure. Ici, dans ce sombre moment, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas d'asile. Notre salut, c'est vous, Seigneur. Soyez tranquille. Oui, je vous sauverai. Rendons grâce à genoux. Secours d'en haut. Dieu fait des miracles pour nous. Comme on espère vite, est-il pas vrai, Don Sanche? Et comme on se reprend n'importe à quelle branche. L'homme sauvé par nous est dans cette maison. Et nous sauve, oui, j'ai foi. J'espère, ai-je raison? Trouves-tu? Certes, espère, ange. Il nous doit la vie. Il nous la rend. Espère, ah, j'ai l'âme ravie. Je suis comme ivre. Viens, viens, respirons enfin. Oh, cette ombre que fait l'aile du séraphin, je la sens sur nos fronts après tant de désastres. Une main est ouverte entre nous et les astres. Oui, c'est la main de Dieu qui nous protège. Oh, dis, entends-tu s'approcher des voix du paradis? Toute cette nature est comme un bruit de lyre. Ah, quand on se revoit, tout ce qu'on veut se dire vous arrive à la fois aux lèvres, le passé, le présent, ce qu'on a souffert, voulu, pensé. Tant de nuits sans sommeil, Dieu sa miséricorde, les hommes si méchants. Enfin, l'âme déborde, on dit « je t'aime », alors on voit qu'on a tout dit. Ami, j'ai bien pleuré. Quand l'espoir se perdit, quand je me vis au fond de ce cloître emmené, oh, quand je vis le fil de notre destinée se rompre et nos deux cœurs l'un de l'autre arrachés, et les projets du roi vaguement ébauchés, horreur, je me sentis tendre, invincible, forte, fière, et j'ai souhaité bien des fois être morte. Et moi, si tu savais, mes roses, oublions tout. Le cœur seul est vivant, l'amour seul est debout. Tout le reste s'écroule et meurt. Nous allons être, oui, mariés, sauvés. Moi, je crois en ce prêtre. Il nous rend ce qu'il a reçu de nous. Aimons, vivons. Vois se lever la lune sur les monts. Vois ces eaux, vois ces bois qu'emplit une âme immense. Toute cette beauté rose est de la clémence. Toute cette douceur éparse en ce beau lieu nous ordonne de croire et nous répond de Dieu. Ne crains plus rien, belle âme innocente apaisée. La douleur, c'est le lys, l'espoir, c'est la rosée. La douleur s'ouvre, et Dieu, d'en haut, pleure attendri. Et c'est là l'espérance. Oui, nos deuils, notre cri, l'ont ému. Des gardiens inconnus nous préservent. Je vois autour de nous des ombres qui nous servent. Que te dire, je t'aime. Nous sommes vainqueurs, et tout le bleu profond du ciel entre en nos cœurs. Espérons. Oui, je sens que quelqu'un nous délivre. Oui, j'espère, espérer c'est naître. Aimer c'est vivre. Qu'avais-je dans l'esprit? Ah, voilà, je voudrais te dire que je t'aime. Approche alors. Tout près. Ô Don Sanche, ô mon roi, quel beau front que le vôtre. Rose, nous allons être à jamais l'un à l'autre. Rose, comme c'est vrai, Dieu vient quand vous priez. Oh, comprends-tu ce mot céleste, mariée ? Beauté, pudeur, ton corps sacré, ta chair bénie. Oh, les rêves du cloître, oh, l'ardente insomnie. Être l'époux, saisir l'ange éperdu qui fuit. Te voir à chaque instant, te parler jour et nuit. Tous les mots du bonheur, t'entendre me les dire, tremblante. Et le venir baiser sur ton sourire. Avoir le paradis pour jouque et pour devoir. Et qui sait, bientôt, Rose, oh, ne rougis pas, voir entre ces petits doigts adorés un doux être. Presser ton sein charmant, moellement, lui le maître. L'entendre bégayer de ses lèvres de miel. Mère. Il te dira, père, ô mon bien-aimé. Ciel. Viva la muerte! Viva la muerte! Viva la muerte! Viva la muerte! C'était Torquemada de Victor Hugo. Avec Marc-Henri Boisse, Torquemada. Bertrand Suarez-Pazos, le roi Ferdinand. Charles Gonzalez, le marquis de Fuentel. Jean-Luc de Batisse, le prieur. Clara Noël, Doña Rosa. Louis Berthélémy, Don Sanche. Martin Amic, Guccio. Pascal Bécard, l'évêque d'Urgel. Delphine Equet, la reine Isabelle. Olivier Peigné, le grand rabbin. Roland Timsit, le pape Alexandre VI. Christophe Galland, François de Paul. Michel Sidorov, le duc d'Alba. Et les voix de Marianne Bello, Johanna White, Christina Crévillen, Florent Houlier, Louis-Marie Audubert, Loïc Ourcastagnou, Mohamed Gelati, Raphaël Nahaz, Pierre-Roy Camille. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Caroline Marceau. Avec Élise Dabrowski, contrebasse. Caroline Delume, théorbe. Denis Chevalier, orgue positif et flûte à bec. Nicolas Garnier, hautbois et basse électrique. Florence Tresser, violon. Arnaud Bretéchet, sac-bout. Chant, Paul Figuier, Léopold Laforge, Benoît-Joseph Meyer, Emmanuel Richard, Raphaël Boulet, Laurent Colobert, David Colosio, Julien Guilloton et Jean-Christophe Brizard. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Christian Laondès, Claire Levasseur, Amandine Grevaux. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.